dénoncer, oh. Laissez-moi dénoncer, oh. On vend du shit car y'a pas de taf, car nos darons pointent à la CAF. À l'arrêt de bus on va déclasser, alors on vend de la cesse. On fait du rap parce qu'on a ça, mon assurance c'est mon gun. C'est pas que ça, quand j'ai des dettes soit je tire soit je me fais vaccin. Le cup débarque au quartier pire, au flashball tire dans le tas. Ma soeur faut plus avorter, on a besoin de plus de soldats. Je rêve d'Afrique comme DJ Mata, barré au Qatar. Pour le moment je suis au placard et puis je cantine des 4 quarts, yeah. Laissez-moi dénoncer, oh. Laissez-moi dénoncer, oh. Laissez-moi dénoncer, oh. Laissez-moi dénoncer, parce qu'on se sent trahi, parce qu'on se sent sali, parce que je suis né rejeté dans ce pays. Et comme rien ne change, rien change, se vend, se vend, ça dérange. Ok, on a la haine et ces putains de caisses. Brut. On a lâché les pites, mais pas content, on t'encule. Tu sais, toujours seul tant que les balles fusent dans ma bulle. Toujours en marche, télécharge ma putain de rage sur ému. Révolution, révolution, rime avec évolution. Et comme rien ne change, alors nous démolissons. Et quand les keufs me capturent, me foutent dans leur cage. Les courriers se font rares comme s'en sortir pour braquage. Tu voulais le bac dans ta poche, mais t'as la bac à ton cul. Tu voulais tout, tu voulais les sous, t'auras qu'un numéro d'écrou. Ok, moi je viens pas de Neuilly, je viens du 7-8. Et quand la juge me parlait, moi je voulais gifler cette pute. J'ai pas connu le lycée, j'ai connu le tribunal, j'ai côtoyé les filles ficelées et je leur faisais mal. J'ai trop la haine et si je croise le procureur, coûte que coûte, coûte que coûte, tuteur, yeah. Laissez-moi dénoncer, oh. Laissez-moi dénoncer, oh. Laissez-moi dénoncer, oh. Laissez-moi dénoncer, oh. Parce qu'on se sent trahi, parce qu'on se sent sali, parce que je suis né rejeté dans ce pays. Et comme rien ne change, rien ne change, se vend, se vend, ça dérange. La nation, pour votre information, façon, vous dites que de la merde. Je m'en vais rouler la nation, pour votre information, façon, nous n'avons plus rien à perdre. Je m'en vais rouler la nation, pour votre information, façon, vous dites que de la merde. Et comme rien ne change, on se venge, ça dérange. J'ai crié l'unité dans l'oreille d'un sourd. Les problèmes sont dans les tours et les Yankees sont dans le four. J'ai rien à perdre, rien à prouver. Merde, j'ai tout fait, j'suis fiché là où t'as pissé et j'ai chié. C'est tantôt du sursis, tantôt du ferme. La délinquance est dans nos tours, la pédophilie dans vos fermes. Un cocktail Molotov en espérant que ça change. Et riposte, on se venge, paraît qu'on peura déranger. Laissez-moi dénoncer, oh. Laissez-moi dénoncer, oh. Laissez-moi dénoncer, oh. Laissez-moi dénoncer, oh. Parce qu'on se sent trahi, parce qu'on se sent sali, parce que je suis né rejeté dans ce pays. Et comme rien ne change, rien ne change, on se venge, on se venge, ça dérange. La nation, pour votre information, façon, vous dites que de la merde. Je vais rouler la nation, pour votre information, façon, nous n'avons plus rien à perdre. Je vais rouler la nation, pour votre information, façon, vous dites que de la merde. Et comme rien ne change, on se venge, ça dérange.